d'Olga Gautier n'avait jamais connu que la surface. Il pouvait prévoir la tonalité de ses rires et l'enchaînement de ses gestes. Il connaissait par cœur ses discours. Il avait l'habitude de son corps. Il savait la faire changer d'humeur. Mais il avait toujours le sentiment qu'il ne faisait que l'effleurer et que sa dimension réelle, dont il lisait des signes épars, lui avait toujours échappé. Il ne savait pas ce qui troublait depuis tant d'années son sommeil, ni ce à quoi elle pensait lorsqu'elle se croyait seule et qu'il la voyait immobile, presque effrayant de raideur et d'austérité. L'instant d'après, elle fardait le silence par une cataracte de paroles et l'immobilité par une mise en scène magistrale. Elle l'étourdissait en quelques secondes, offrant à sa vue, à son toucher, à ses oreilles, cette surface agaçante et rassurante, virevoltante, intarissable, qu'il lui avait toujours connue. « Je crois que Melchior tourne autour de Clara, » dit-il. Olga haussa les épaules. « Il tourne d'elle comme un chat tourne autour d'un moineau, » dit-elle. « Non, tu as tort. » Il m'a dit qu'elle avait le pouvoir de faire disparaître sa nervosité. Olga leva les yeux au ciel, plus agacée peut-être par la naïveté de Gautier que par l'hypocrisie de Melchior. « Et tu as cru ce qu'il disait ? Pourquoi ne le croirais-je pas ? Il a l'air sensible et j'ai apprécié sa franchise. » Olga poussa un petit cri. « Sa franchise ! Mon pauvre Gautier, tu es vraiment étonnant. Il est faux comme un jeton. Tu n'as pas remarqué comme il parle ? C'est toi qui es exagérément méfiante. Je te dis qu'il l'a tiré par elle et que je le conçois aisément. » Elle hocha la tête et dit patiemment « Clara est une enfant charmante, je n'en disconviens pas, mais réfléchis 2 minutes, et tu te rendras compte que ton histoire ne tient pas debout. Il cherche à la séduire, peut-être, mais ne va pas t'imaginer qu'il est amoureux d'elle. Et pourquoi pas? Parce qu'elle n'a pas plus de cervelle qu'un moineau, et que lui est un prédateur. Oui, je sais, un chat. Exactement. » Olga avait renoncé depuis longtemps à justifier sa pensée auprès de Gautier. Peut-être parce qu'elle le savait hermétique aux formes complexes, aux règles pleines d'exceptions de son propre esprit analytique. Il faisait partie de ces gens qui se trompent en toute bonne foi, avec une régularité désarmante. Ses jugements et ses conclusions étaient invariablement hors de propos. Ses arguments s'emboîtaient mal dans la discussion et en bloquaient les rouages. Ses intuitions, enfin, heureusement rares, étaient à la fois absurdes et audacieuses, c'est-à-dire catastrophiques. En somme, elle avait pris son parti depuis longtemps du fait qu'il ne lui serait jamais d'aucune utilité pour réfléchir, et essayait tant bien que mal de limiter les dégâts en lui indiquant les chemins de l'esprit qu'il ne trouvait jamais tout seul. Il fallait espérer cette fois que la sympathie désastreuse que Gautier éprouvait vis-à-vis de Melchior serait quelque peu bridée par ses exhortations à la prudence.